Chapitre 16. Quand la CIA soutenait le djihad en Afghanistan. À première vue, les opérations clandestines de la CIA en Afghanistan de 1979 à 1989 apparaissent comme la plus grande réussite de son histoire. Le soutien aux résistants islamistes n'a-t-il pas permis de saigner l'armée rouge avant de chasser les soviétiques du pays? Dans sa lutte contre le communisme, la CIA a toujours fait des religions des alliés de poids. Dans l'après-guerre, elle a soutenu les partis démocrates chrétiens en Europe du Sud pour faire pièce aux PC locaux. En Égypte, elle a discrètement aidé les frères musulmans contre le nationaliste Nasser. Le principal et plus fidèle allié des États-Unis au Moyen-Orient n'est autre que l'Arabie saoudite, régime fondé sur l'alliance entre la dynastie Saoud et la secte sunnite des Wahhabites, prêchant une observation plus stricte de l'islam dans ses principes originels. Depuis les années 1960, l'Arabie, enrichie par les pétrodollars, soutient les mouvements islamistes du monde entier, y compris ceux en lutte contre les gouvernements jugés impies de l'Égypte, la Syrie ou l'Irak. L'invasion de l'Afghanistan par les Soviétiques en 1979 attire l'attention sur une région jugée jusqu'alors secondaire par les stratèges de Washington. Le conseiller national à la sécurité du président Carter, Zbigniew Brzezinski, préconise de soutenir la résistance afghane en lui fournissant armes, argent et conseils. L'administration américaine voit l'occasion d'infliger à l'Union soviétique l'équivalent de ce que les États-Unis ont subi au Vietnam, face à une guérilla fortement armée et financée. Une véritable saignée financière et militaire. À l'époque, les stratèges militaires ne croient pas que l'armée rouge puisse être défaite, mais on peut la harceler, lui infliger des pertes sévères en l'obligeant à mobiliser des forces considérables. L'Afghanistan sera donc une des rares opérations clandestines de la CIA lancée par le prudent et très moral président Carter, puis confirmé et amplifié par Ronald Reagan. Cette opération de soutien aux combattants islamiques ravit l'allié saoudien. Celui-ci va, tout au long de l'opération, participer en doublant les crédits alloués par le Congrès à la CIA pour l'opération, qui passeront de 30 millions de dollars en 1981 à 200 millions de dollars en 1984, avant de dépasser les 600 millions de dollars. Le prince Turki Al-Faisal, jeune chef du GID, service secret saoudien, sera l'intermédiaire clé entre l'administration américaine et la monarchie saoudienne. Ni ses hommes, ni ceux de la CIA ne peuvent traiter directement avec les chefs de guerre afghans et risquer la capture par les Russes. Il faut un opérateur, qui sera l'ISI, service secret pakistanais. Le Pakistan du général Zia, État islamique qui se sent menacé par l'armée soviétique à ses frontières, est lui aussi ravi d'affirmer son influence sur son voisin afghan. Jusqu'en 1983, la CIA s'en remettra exclusivement à l'ISI, bras armé de la dictature pakistanaise, pour transmettre armes et argent à la guérilla afghane. Ce qui permet à l'ISI de s'enrichir, tout l'argent n'arrive pas à ses destinataires, de se créer une clientèle parmi les chefs de guerre et de privilégier les fondamentalistes durs aux dépens de leaders plus modérés dans leur foi islamique, comme le commandant Massoud. Le bureau afghan de l'ISI compte 60 officiers et emploie environ 300 émissaires qui accomplissent diverses tâches de liaison. L'ISI organise des camps d'entraînement le long de la frontière afghane qui verront passer 6 000 à 7 000 volontaires chaque année. Ce dispositif est bientôt complété par des madrassas, écoles islamiques financées par des associations caritatives saoudiennes. Les services secrets saoudiens commencent par ce biais à compléter leur soutien à l'ISI par des interventions en direct. L'un des pourvoyeurs de fonds caritatifs utilisés à l'époque par Turki Al-Faisal s'appelle Oussama Ben Laden. Fils d'une riche famille qui gère le premier groupe de construction immobilière du royaume, le trépieux et discret Oussama, diplômé d'économie en 1981, cherche sa voie et s'intéresse de près aux frères afghans en lutte contre l'infidèle communiste. Il souhaite contribuer à leur lutte, se met au service du GID et opère plusieurs années sans le moindre contact avec la CIA. L'arrivée du bouillonnant William Casey à la tête de la CIA et d'une majorité républicaine au Congrès va faire évoluer le programme d'aide à l'Afghanistan. Casey, avec certains membres du Congrès, considère que les Afghans qui se battent pour leur vie et leur liberté méritent d'être aidés à fond, en leur donnant les moyens de vaincre, et pas seulement de résister le plus longtemps possible. Les moyens alloués connaissent donc une escalade vertigineuse. La CIA, consciente que les Pakistanais font un usage sélectif de l'aide qui transite entre leurs mains, commence à développer des contacts directs avec les chefs de guerre et à compléter les versements de l'ISI. La CIA livre des armes de plus en plus sophistiquées, comme les tout nouveaux missiles Stinger à guidage thermique, qui permettent d'abattre les hélicoptères russes. Ce faisant, son soutien devient de moins en moins clandestin aux yeux des Russes, faisant craindre à certains une confrontation directe ou une invasion du Pakistan par l'armée rouge. En 1985-1986, Oussama Ben Laden s'installe à Peshawar. C'est désormais une figure connue des chefs de guerre afghans par ses dons et aussi par son aide à la construction de madrassas. Le djihad commence à attirer des volontaires islamistes de toute la région. C'est ainsi que l'Égyptien Ayman al-Zawahiri, emprisonné au Caire pour complot contre le président Sadat, arrive lui aussi à Peshawar à la même époque. Ben Laden commence à cristalliser un mouvement de recrutement dans le monde arabe. Il annonce qu'il prend en charge les dépenses de tout guerrier arabe qui viendrait rejoindre le djihad par son entremise. Il ouvre même un bureau de recrutement aux États-Unis, en Arizona. Milt Bearden, chef de poste de la CIA à Islamabad, considère à l'époque tout cela d'un très bon œil. Ben Laden n'est pas du tout perçu comme anti-américain. Son action rappelle celle de la Brigade internationale de volontaires qui s'est portée au secours des républicains espagnols dans les années 1930. Ben Laden, qui prend de l'assurance, décide de faire construire un nouveau camp fortifié de volontaires doté d'une clinique dans un village afghan frontalier du nom de Jaji. Celui-ci sera son royaume. Il en sera le chef. Avec un sens éprouvé des relations publiques, il y convie des journalistes du monde arabe pour rapporter ses bienfaits. Le 17 avril 1987, des hélicoptères russes bombardent le camp, qui résiste sous la mitraille plusieurs jours durant. C'est le début d'une légende de grands chefs guerriers soigneusement entretenus. Ben Laden fait réaliser une vidéo de 50 minutes où on le voit monter à cheval, tirer au fusil et s'adresser aux soldats. À partir de cette époque, Ben Laden commence à suivre son propre agenda. La libération des frères afghans n'est pas son objectif unique, ni même le principal. Se démarquant de nombreuses autorités islamiques, il prône un djihad global contre tous les infidèles, aussi bien russes qu'américains. À cette époque, la CIA construit, à proximité du camp de Ben Laden, un complexe de bunkers et de caves destinés à entreposer des armes et munitions. Conçu comme un vrai dédale et situé en zone montagneuse, la place forte est censée résister à toutes les attaques. On entendra reparler un peu plus tard du complexe de Tora Bora, où Ben Laden se jouera des forces spéciales américaines. La même année, le premier secrétaire russe, Gorbatchev, décide que l'Union soviétique doit se retirer d'Afghanistan, où elle ne peut pas gagner et s'épuise en vain. Dans son anticommunisme débridé, jamais l'administration Reagan n'avait imaginé un tel scénario. Lorsque le ministre Shevardnadze en informe le secrétaire d'État George Shultz, ce dernier met 2 semaines avant de rapporter cet entretien à Washington, par peur d'être accusé d'aveuglement pro-communiste. Le départ des Russes est effectif en 1989, sous la présidence de George Bush père. La CIA célèbre alors sa victoire au Champagne. L'agence considère qu'elle a achevé son travail et se désintéresse des guerres tribales pour le pouvoir en Afghanistan. Peu importe que les islamistes durs, mieux armés et soutenus par le Pakistan, s'imposent en lieu et place d'un gouvernement d'unité nationale. Dans les années qui suivent, plus de 4 millions d'Afghans, soit la moitié de la population, émigrent dans les pays voisins, Pakistan, Iran, pays d'Asie centrale, sans parler des destructions causées par l'invasion américaine après le 11 septembre. L'action conjuguée des services saoudiens et pakistanais a engendré le régime des talibans, qui exerce dans les années 1990 la répression que l'on sait et soutient le développement d'Al-Qaïda. Il est sans doute facile de dénoncer a posteriori les erreurs de jugement de la CIA, en connaissant la suite de l'histoire. Pourtant, dès 1985, des voix se sont élevées au département d'État pour critiquer, non pas l'opération elle-même, mais l'emploi de l'intermédiaire pakistanais et le risque de renforcer militairement des groupes islamistes ouvertement anti-américains. La CIA a répondu qu'elle aidait aussi de son côté les groupes délaissés par les Pakistanais, ce qui ne résout pas la question de savoir s'il fallait aider les islamistes durs en premier lieu. La CIA n'est certes pas comptable de l'alliance ancienne des États-Unis avec le royaume saoudien. Il est certain que les cadeaux financiers de ce dernier ont un prix que n'avaient pas calculé les stratèges de Washington.